pays d'Agraragon, il y avait une fille qui aimait le gaz citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Moi j'aime mieux les glaces au chocolat poil au bras, mais chez mon pâtissier il n'y en a plus, c'est vendu. C'est pourquoi je n'en ai pas pris, tant pis pour lui. Et j'ai mangé pour tout dessert du camembert. Le camembert c'est bon quand c'est bien fait, vive l'amour. À ce propos, revenons à nos moutons. Au pays d'Agraragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Vendre des glaces, c'est un très bon métier, poil aux pieds. C'est beaucoup mieux que marchand de mourons, pas savant. Marchand de mourons, c'est pas marrant. J'ai un parent qui en vendait pour les oiseaux, mais les oiseaux n'en achetaient pas. Ils préféraient le crottin de mouton. À ce propos, revenons à nos agneaux. Au pays d'Agraragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Mais la Castille, ça n'est pas l'Aragon. Ah mais non, et l'Aragon, ça n'est pas la Castille. Et la fille s'est passée de glace au citron avec vanille. Et le garçon n'a rien vendu, tout a fondu. Dans un commerce, c'est moche quand le fond fond pour le pied. À propos de pied, chantons jusqu'à demain. Au pays d'Agraragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron.